Par rapport à la vidéo d'hier, on m'écrit. Très bonne analyse, même si pour un certain Berthold, d'analyser ne sert absolument à rien, dirait-il. On va voir ce que je dis. L'autre Berthold, lui, devrait considérer faire d'autres vidéos de pop psycho vu sa façon de vulgariser les choses. Bon. Il n'y a pas deux Berthold, il n'y en a rien qu'un. Avec différentes facettes. L'affaire, c'est quoi? C'est quoi l'affaire? Oui, analyser à mes yeux, à moi, ça sert à rien. C'est-à-dire que ce qui est visible d'un coup est visible d'un coup. On le voit ou on le voit pas. Par contre, au niveau du public, bon, le monde dans le supramental, c'est pas eux autres que je m'adresse si je fais une analyse. J'ai choisi un public plus large que ça parce que je trouvais que c'était trop limité. Dans le sens que c'était rendu plate, les échanges étaient circulaires, ça tournait en rond. Je trouvais ça plate. Puis c'est ça. Moi, personnellement, j'ai jamais dit de laisser l'intellect de côté. Ce que j'ai toujours dit, c'est ben que ça servait, que c'était un aspect, que c'était un outil, c'est une facette de plus. Puis qu'au niveau de l'observation, de ce qui est visible en temps réel, l'intellect peut servir. On peut juxtaposer. Faire un chevauchement paradigmatique, puis voir s'il y a des affaires communes, si on voit d'autres choses. Mais oui, c'est vrai que les supramentaleux sont contre l'intellect. On pourra en reparler. Ils sont contre l'intellect, pourquoi? Pour les mêmes raisons, je pense que le PDG d'Air Canada a de la misère à apprendre le français. Tout simplement parce que c'est dur. C'est pas le fun. C'est pas ce qu'il y a de plus le fun. Puis bon, on va être porté à aller vers ce qu'on est à l'aise, ce qu'on est confortable. Puis le supramental, au niveau de certains modes de pensée, c'est dommage à dire, mais oui, ça vient les confirmer là-dedans. Puis il y en a là-dedans, ils prennent plus de décisions par eux-mêmes. C'est le double qui leur dit quoi faire. Puis ils vont direct vers le mur. Ça, je suis sûr à 100%. Si c'est des affaires de même qui vous disent quoi faire dans votre vie, puis que vous avez plus de capacité de raisonnement, ça s'en va vers le mur. Ça, il faut les deux. Il faut les deux. Parce que sinon, c'est un mode de pensée un peu sectaire. Au niveau de la réalité, dans la réalité, on peut pas fonctionner juste intuitivement. Pourquoi? Parce qu'un bonhomme a dit un jour, faut que l'intuition devienne l'intelligence, puis que l'intellect c'est un mental inférieur, puis j'ai jamais totalement adhéré à ça. Pourquoi? Par l'observation, parce que ce que j'ai vu de ce milieu-là. Donc, pour eux autres, le monde, toute vie, c'est comme si on était venu au monde avec Bernard de Montréal, puis ils se posent pas de questions. Ils sont pas portés à faire des recherches ben, à part dans des affaires. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des termes d'utiliser, on sait pas d'où ça vient, puis on s'en sort pareil. Au point de parler comme des fois avec des mots qu'on voit dans le livre de Mormon, des mots qu'on voit dans la cosmogonie d'Urantia, des affaires qu'on voit chez les théosophes, Annie Besant, puis Alice Bailey, puis ces affaires-là, ou de l'anthroposophie, puis de pas savoir que ça vient de ça. Ça, je l'ai vu des centaines de fois. Pourquoi? Parce que Bernard de Montréal, ses paroles d'évangile. Personnellement, avec les années, j'ai commencé à me lasser de ce milieu-là, carrément. Puis j'ai voulu m'adresser à du monde plus largement. Parce que c'est plus intéressant. Parce que j'ai toujours dit la même affaire depuis plus de... Ça doit faire au moins depuis 2014... que je trouvais les gens dans la population en général plus lucides que les gens de ce milieu-là. Puis j'ai jamais vu autrement. Il n'y a rien au fil des années qui m'a démontré que c'était pas ça. Donc, bon, vous pouvez, c'est comme vous voulez, là, vous pensez que il y a deux Berthold, c'est vous autres, là. C'est vous autres qui êtes divisés dans votre affaire. Parce que personnellement, moi, je vois pas de. Je considère qu'il n'y a pas deux Berthold, un qui fait de la canalise, puis l'autre qui est purement intuitif. Je vais être purement intuitif jusqu'à un certain point. Après, je me sers de l'analyse pour l'exprimer, entre autres. Aussi, la vidéo d'hier, je ne l'ai pas préparée, là. Je l'ai toute récitée d'un coup. C'est même pas de la récitation, puisqu'il n'y a pas de préparation. Donc, j'ai tout parlé d'un coup, comme ça. Puis, je savais pas, là, jusqu'où ça irait. Puis, même là, je revérifie rien, là. Par après, il y a quelqu'un qui m'écrivait, ah, c'est par rapport à un monsieur de Saint-Ours, l'église de Saint-Ours. Oui, ça. Oui, ça, on revérifie par après. Mais, comme le doigt que j'ai vu étant enfant, qui était dans de la cire, c'est le doigt d'un prêtre, je pense. J'avais pensé que possiblement c'était une relique plus vieille, mais bon, c'est pas bien ben grave. De toute façon, ça change rien. Mais il reste que, bon, quand je regarde ça, oui, je reconnais. Je reconnais le monde voudrait que je m'exprime juste comme il y a des années, comme je faisais des années. Il y en a, c'est ça qu'ils aimaient. Puis là, ils sont déçus. Ils sont déçus parce que l'histoire, la politique, tout ça, c'est tout du mental inférieur. Puis c'est tout, bon, qu'est-ce que vous voulez? Les conséquences vont être réelles pareil. Les conséquences vont être là pareil. Puis l'affaire, est-ce qu'on vit dans un monde de mensonges? Ben oui. Puis si on ne le regarde pas par rapport à ce qui est politique, puis ces affaires-là, oui, ça a des applications pratiques aussi. Je veux dire, là, moi, je suis tanné, là, je suis plus capable, là. Les affaires comme Bernard de Montréal, que c'est son double, qui disait quoi acheter puis quoi vendre au niveau de ce qu'il faisait. Que ça finit par par des huissiers. C'est pour ça, moi, je vous dis attention. Tous les termes que Bernard parle, puis tout, c'est parce qu'il a tout lu. Ça y arrive pas de même, là. Il avait tout lu. La cosmogonie du Rancio, que j'ai pas lu. Non, moi, je m'intéresse pas à la cosmogonie du Rancio, je m'intéresse à ceux qui l'ont écrit. Puis qu'ils l'ont publié. Ça, j'ai tout lu. Ça, j'ai tout lu. Le livre de Mormon, je le lis, je l'ai jamais lu. Par contre, ce qu'il y a sur les Mormons, ça, j'ai tout lu, ce que je peux trouver. Tout. Les écrits d'Alice Bailey, j'ai jamais lu ça. Les écrits d'Annie Besant, j'ai jamais lu ça. Les écrits de la Blavatsky, j'ai jamais lu ça. Tout ce qu'il y a sur eux autres, par contre. Ça, ce que j'ai pu accumuler. Ça, oui. Pourquoi? Parce que l'affaire, c'est pas. C'est plus ça vient d'où. Ça vient d'où, puis je vous dirai c'est quoi. Parce que oui, par rapport à l'éther, par rapport au double, oui, ça m'est arrivé de les lire pour voir ce que les autres ils disent. Puis finalement, de me rendre compte que c'est du niaisage. C'est tout le même niaisage spiritualiste. Puis que c'est pas ça, moi ça m'intéresse pas. Puis le pire, c'est que moi, je suis tout le temps en amateur, c'est tout le temps en autodidacte, c'est tout le temps en dilettante. Puis ça, je peux le dire pour avoir connu des gens qui avaient réellement un intérêt, puis qui avaient réellement fait un travail d'historien, comme le notaire Godbout, qui a tout le temps été membre des sociétés d'histoire d'une ville où j'ai vécu, puis qui était. Il y avait. Comment je pourrais dire ça? Il y avait une série, il était rigoureux. Ce qui n'est pas tout le temps mon cas, là. Mais il reste que par après, avec le temps, on se corrige, on voit différentes affaires, puis ça change. Mais le public, là, de supramental, non, c'est pas à lui que je m'adresse. Plus maintenant. Plus maintenant, pourquoi? Ben, parce que ça serait pas ajusté, justement. Puis c'est plus ajusté non plus à moi. Au genre d'échange que je vais avoir, pour avoir vu. Si vous êtes fasciné par Bernard de Montréal, vous allez être fasciné par d'autres affaires, c'est sûr. Ça peut être plein d'affaires, là. Ça peut être, je ne sais pas, moi, l'intelligence artificielle, les réseaux de désinformation autour de Trump, des affaires de même. Vous allez vous faire pogner ailleurs. Si vous êtes fait pogner là, vous allez vous faire pogner ailleurs. Au moins qu'après un certain délai, après un certain temps, après un certain nombre d'années, au moins décrocher un peu pour vous rendre compte. Mais là, ça, c'est pas grave, là. Ça, c'est pas grave, parce que le monde, dans le fond, ils vont tout le temps voir ce qui fait plus leur affaire que ce qui fait pas leur affaire. C'est plus facile de tromper quelqu'un que de le convaincre qu'il a été trompé. Regardez, là, ce qui se passe en ce moment. On vit à une ère de mensonges, ça n'a jamais été aussi fort. Personnellement, j'ai jamais vu une affaire de même. C'est à tous les niveaux. Vraiment, prenez juste l'affaire de la guerre commerciale avec le Canada, puis j'ai réécouté la vidéo originale de Reagan dans son contexte. Puis Reagan, il n'est pas sorti de son contexte par Ford. Puis là, il est accusé que ils mentent, qu'ils se sont servis de l'intelligence artificielle pour dire des affaires que c'est pas. Non, c'est. Désolé, là. Après vérification, non. Mais on a un bonhomme au sud qui nous dit. C'est lui le menteur. C'est un menteur depuis. Puis il y a pourtant, il y a du monde dans le supramental, soit ils vont te polariser, ils vont dire c'est l'antéchrist. Puis un autre gang va être polarisé, c'est le sauveur providentiel de tout le monde, là. Mais oui, mais ce bonhomme-là fait rien que mentir tout le temps. Il fait rien que toute sa vie, c'est une fraude. Toutes ses entreprises, que ce soit ses universités frauduleuses, ses projets immobiliers il faisait juste vendre son nom, puis finalement les investisseurs perdaient tout, puis lui il ramasse pareil. Je regarde ça, je veux dire. Puis c'est pareil au niveau provincial, là, je veux dire, les politiciens qu'on a qui servent des espoirs puis des angoisses de la population. On n'a jamais été dans un monde aussi dangereux au niveau. Comment je pourrais dire ça? C'est même pas concret immédiat, c'est à tous les niveaux, même avant que ça devienne concret puis immédiat. On n'a jamais été à une époque de mensonges comme maintenant, je pense pas. Surtout que. Même ce qui est vérifiable, ce qui est démontrable, il va y avoir une sorte de persistance à dire le contraire. Là, on est comme dans le temps de Goebbels, là. C'est les mêmes stratégies. Puis pourtant, on peut pas dire, ça devient difficile de dire c'est le même genre de monde parce qu'immédiatement on se discrédite parce que ça a l'air exagéré. Donc on m'a reproché d'en parler énormément. Même à un moment donné, j'étais Bertrolle, parce que j'osais parler de Trump. Ben oui, mais c'est là, dans notre face, il va avoir des conséquences. On s'en va vers une crise, je pense, qui est sans. Ben là, je ne dis pas qu'on va retourner comme ce qui est arrivé dans les années 30 par rapport à l'économie. Mais il reste qu'il va y avoir des conséquences, que c'est visible, puis que. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Tout comme l'affaire, moi, à mes yeux, comme vous voulez parler de supramental, moi, on voulait parler de possession, vous voulez parler de manipulation, puis tout. Ben oui, mais le monde qui veulent qu'on fusionne avec les États-Unis comme 51e État, puis qui en font la promotion, si on regarde ça d'un point de vue, c'est pas un peu comme de l'astralisation extrême, c'est pas comme une forme de possession, parce que c'est totalement contre nos intérêts. C'est ça, moi, que je regarde, puis je comprends pas. Je me dis, faut être fou. Mais même là, j'essaie de pas tomber dans des explications irrationnelles. Le plus possible, là, parce que là, il y a toute une branche supramentale. Ça a fusionné avec le gnosticisme. Il y a toute une autre branche. Ça. C'est comme toutes des petites. Des petits. On fait quoi avec ça? Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Rien. Tandis que si on fait une étude réellement de ce qui est en train de se passer, il y a possibilité de savoir certaines choses d'avance, puis de s'en servir. Je parle même individuellement. Se préparer à ce qui vient peut-être. Peut-être, juste l'envisager, c'est déjà beaucoup. Comme une possibilité, puis faire avec. Parce que là, ce qui se passe. Moi, c'est bien de valeur, j'ai pas envie de m'enfermer dans des sujets ésotériques. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, c'est des affaires pour les gnochons. C'est assez clair, là? Vos ostinaiseries d'archontes, puis d'entité, puis d'astral, à un moment donné, c'est parce que, là, la possession, là. Vous nourrissez ça, là, quelque part. Vous le nourrissez, ça se peut pas, là. Ça a aucun sens. L'affaire de voir des entités partout, puis des... Non, pendant ce temps-là, juste un bon vieux cave, un bon vieux pas bon, si on le voit plus. Puis c'est, ça a beau être gros comme un éléphant, c'est dans ce milieu-là, je trouve que ça allumait le moins. Ben franchement. C'est pour ça que je me suis distancé, puis que ça m'intéresse pas. Je me suis distancé de ça. Le plus possible. Le plus possible, parce que, justement, j'ai l'impression que ça tourne en rond. Ça aboutit à rien. C'est tout le temps de nous ressortir des affaires c'est ce que Bernard a apporté ou que d'autres ont amené, que genre, ils vont redécouvrir, là, ils vont d'une petite formation qui parle de, je sais pas, moi, de cabale, si pis ça, puis après, ils prennent les nouveaux principes qu'ils pensent avoir découvert de nouveau, puis ils fusionnent ça avec l'instruction de Bernard. Là, ils font des nouveaux ateliers, puis ils font payer le monde 1 500 $ pour des ateliers, parce que c'est pareil comme certaines autres affaires. L'affaire la plus concrète que vous pouvez faire avec ça, c'est devenir vous-même un petit Bernard, puis faire payer le monde pour des séminaires, des consultations, puis des outils. Puis ça, je m'excuse, mais je peux pas faire ça, je suis pas capable, je considère que c'est de rire du monde, puis... Non, ça vaut rien. Tant qu'à moi, là, comme les affaires qui ont été faites, les ateliers par rapport au tarot, puis est-ce que réellement la science nouvelle va prendre des vieilles formes de même? Est-ce qu'on n'est pas mieux de comprendre le passé puis le présent que d'essayer de voir du nouveau dedans? Dans le sens que être à bout de venir, être capable de venir voir le nouveau, au lieu de finalement prendre du vieux, il y a de nouveau que ce qui est oublié à ce niveau-là de l'ésotérisme, de prendre du vieux puis de le présenter comme une nouvelle science révolutionnaire. Puis vendre ça à des prix de fou? Non. Non. À mes yeux, c'est des niaiseries, tout ça. Aujourd'hui, je le vois réellement comme ça. C'est une phase. Il faut que ça soit une phase. Il faut que ce soit... Ça peut pas, vous pouvez pas passer 20 ans, 30 ans, 40 ans avec les mêmes affaires. Vous le vraiment sans voir à un moment donné que ça tourne en rond. Puis que tout ce que vous avez réussi à construire, c'est des nouvelles scissions, puis des nouvelles, des nouveaux petits groupes, sectaires. À un moment donné, c'est du sectarisme. C'est pour ça que je suis content d'être tout seul. Puis j'ai toujours tout fait pour être tout seul, puis je me suis tout le temps arrangé pour qu'il n'y ait rien. Je fais mon gros possible pour qu'il n'y ait rien qui se construise autour de moi, que si jamais ça arrive, au moins, que ça soit pas de cet ordre-là. Puis je veux rien savoir de ça. Donc l'affaire, là, vous allez voir les consultants dans le supramental, l'intellect, c'est pas bon. Faut plus prendre de notes, faut plus... Non, ça va faire, là. Surtout quand la mémoire change, faut prendre. Ça peut être utile. Si vous abandonnez votre intellect, là, c'est comme vous abandonnez la moitié de vos outils. Puis en faisant plus usage, puis en ne le pratiquant plus, là, vous risquez de crever en pleine démence. Dans le sens que je trouve qu'il y a un certain pourcentage dans ces milieux-là, ils meurent, ils n'ont plus toute leur tête. Peut-être que le cognitif, faut l'exercer, là. Un peu, on peut pas totalement le mettre de côté, c'est pas sain, c'est pas équilibré, puis ça a pas de bon sens. On n'est pas pour tout le temps se fier à une intuition, c'est pas tout le temps là, je veux dire, puis aussi au niveau de la communication, c'est bonne valeur, mais ça prend des formes. Ça prend des formes qui se renouvellent, pas des affaires sclérosées, pas des affaires, ça se renouvelle, il va falloir reparler du passé d'une façon renouvelée. Pour jeter un regard nouveau jusqu'à un certain point, comprendre le présent comment qui est, puis voir mieux où est-ce qu'on s'en va. Au pire, de toute façon, ben c'est pas grave, mais c'est parce que là, si votre intérêt, c'est juste les affaires liées au supramental, moi, je suis pas là pour ça. Dans le sens que ça m'intéresse pas autant que vous autres, ça peut pas. Ça peut plus. Parce que je pense qu'il y a de l'illusion là-dedans. Énormément. Il y a des affaires, ça existe parce que vous les faites vivre et vous les nourrissez. C'est tout. C'est pas viable à mes yeux à long, long terme. Par contre, les affaires plus concrètes qui se passent en ce moment, puis qui peuvent être, c'est plus une affaire d'analyse, mais au moins de regarder, comme je disais, de jeter un autre regard. Parce que là, c'est rendu que je fais de la pop psycho. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est péjoratif, je veux dire, de rendre accessible, de vulgariser quelque chose? Qu'on doit au moins essayer un peu. Est-ce que c'est pas correct, c'est mal? Pourquoi je me suis tanné de même? Pourquoi je viens que. Parce que quand je regarde en moyenne les discours qui sont tenus dans ces milieux-là, puis c'est assez pour que au fond, je peux même plus parler objectivement parce que je me suis tellement distancé, je les écoute plus. Puis je regarde plus ce qui se dit ou je regarde plus ce qui se fait. Ça m'intéresse pas. Puis je suis persuadé que si jamais je faisais l'effort de retourner voir, je constaterais les mêmes choses. J'ai pas envie de me restreindre à ça. Pas du tout. Donc, ben allez-y. Faites-les, les ateliers, courez d'un à l'autre, consultez un puis l'autre. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que, en bout de ligne, ça va surtout vous coûter de l'argent, puis que le but, c'est surtout ça. Puis qu'en bout de ligne, le plus concret que vous allez pouvoir faire avec ça, c'est devenir un petit formateur à votre tour, puis vendre des produits à un prix de fou. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce qu'on va être lucide? Parce que là, l'affaire, c'est, est-ce qu'on veut être lucide? Est-ce qu'on veut être rentable avec des outils de la lucidité ou être rentable dans notre vie parce qu'on est lucide pour vrai? Moi, c'est la question que je vous demande, que je vous pose. Parce que là, c'est juste un business, là. C'est juste des écoles idéologiques quelque part, là. Avec les formes variées un peu d'une branche à l'autre. Puis à date, les fruits que ça produit, c'est rien pantoute. Peut-être qu'au niveau de l'individu, oui, il y en a qui sont sortis de la dépression, il y en a. Mais ce que je constate, en majorité, c'est pas ça. Oui, ça peut être un support intense, oui, ça peut être. Mais si vous restez toute votre vie avec ça, c'est votre affaire. Mais on n'est plus dans la même chose, là. C'est plus du tout la même chose. Ça n'a plus rien à voir. Donc, non, je veux dire, des fois, je suis surpris, les gens qui m'écoutent, il y en a des fois très jeunes, assez jeunes. Le supramental, je parle rien que de ça, eux autres, oubliez ça, là. Ça peut pas les intéresser. Puis ils ont bien raison.